Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, tout le monde écoute Radio Cayenne, hey. On est toujours sur Radio Cayenne, on est toujours lundi 12 novembre, il est 20h47 et vous nous écoutez sur radiocayenne.net. On voulait parler du nouveau préfet. Donc le 7, donc il y a 5 jours, le 7 novembre, il y a un nouveau préfet qui a été nommé, puisque Nicole Klein, l'ancienne préfète, est partie pour être directrice du cabinet de François de Rugy, lui-même ministre de l'écologie et lui-même politicard de la région. L'ascenseur social fonctionne en fait. Finalement, pas pour tout le monde peut-être. Donc voilà, Nicole Klein est partie et notre nouveau préfet s'appelle Claude Darcourt. Déjà juste un petit truc, donc on s'est demandé, nous, Darcourt, si le petit D apostrophe c'était une particule de noblesse. Et la deuxième question qu'on s'est posée, si c'est une particule de noblesse, est-ce que cette famille fait partie de celles et ceux qui ont acheté leur particule ou fait partie des nobles, des vrais nobles, quoi, ceux qui sont nobles depuis longtemps? Et eh bien la famille Darcourt, donc on dit la maison Darcourt, c'est une famille subsistante de la noblesse française. Et là je suis en train de lire Wikipédia, j'invente pas. D'extraction féodale, originaire de Normandie. Donc peut-être c'est pas sa famille et que c'est un hasard qui s'appelle comme ça, mais ça sera une coïncidence complètement incroyable. Bon, voilà quoi. Cette filiation, elle existe depuis 1094. Donc, c'est une des plus anciennes familles françaises subsistantes. Je sais pas ce que ça veut dire subsistante. Ça veut dire qu'on les a pas butées à la Révolution, c'est ça? Ok. Donc, Claude, si tu nous écoutes, on t'a pas guillotiné à la Révolution, mais ouais, estime-toi chanceux. Donc à part d'où il vient, tout ça, on choisit pas toujours d'où on vient, hein, et puis ça fait pas forcément des connards et des connasses d'où ils viennent les gens. Mais pour Claude, malheureusement pour nous, ça en fait un gros connard. Donc Claude Darcourt, en fait, avant d'être préfet, il était à l'ARS, l'Agence Régionale pour la Santé, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça, c'était en 2017. Je vais lire dans l'ordre. Donc, en fait, il a fait bizarrement, hein, il a fait Sciences Po à Paris. Il a fait l'ENA. Tiens donc, il a été nommé préfet avant de diriger l'ARS de Haute-Normandie jusqu'en 2012. Et depuis janvier 2013, l'ARS de Lorraine. Donc ça, c'est parce que l'article il est un peu vieux. Et après l'ARS de Lorraine, du coup, il a fait l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc il a fait ça un moment. Et avant ça, en fait, il a fait une carrière dans la préfectorale et il a occupé des postes en Haute-Savoie, en Seine-et-Marne, dans le Vaucluse. Ça, c'était entre 1981 et 1987. Après, il a travaillé au ministère de l'Intérieur en tant qu'adjoint au sous-directeur des affaires financières jusqu'en 1989. Il a été directeur de cabinet du directeur de la sécurité civile jusqu'en 1991. Ensuite, il a été sous-directeur de l'administration et de la modernisation à la direction de la sécurité civile jusqu'en 1994. Ensuite, il a été sous-directeur des affaires financières à la direction de la programmation des affaires financières et immobilière, d'août 94 à décembre 96. Donc tout ça, c'est au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il a été nommé secrétaire général à la préfecture de Seine-Saint-Denis en 96. Il est retourné au ministère de l'Intérieur après en 99, c'est parce que c'était peut-être mieux payé, on sait pas trop, pour être directeur de la programmation des affaires financières et immobilières. Parce qu'avant ça, il était que sous-directeur. Maintenant, après, il a été directeur jusqu'en 2002. Après, il a été secrétaire général de l'administration de la préfecture de police de Paris, eh oui, d'octobre 2002 à janvier 2006, il a quitté ce poste pour prendre la direction de l'administration pénitentiaire de janvier 2006 à janvier 2010. Donc c'est quelqu'un, voilà, comme on peut le voir, c'est quelqu'un d'assez dégueulasse. Et il y a deux trucs du coup que je voulais citer à propos de lui, il y aurait plein de trucs à citer. Un premier truc, c'est que du coup en 2002, alors qu'il était, comme on l'a dit, directeur de l'administration pénitentiaire, en 2002, il y a un jeune qui s'est suicidé en EPM, donc en établissement pénitentiaire de mineurs et pour mineurs. Et si on le dit sans euphémisme, on appelle ça une tôle pour enfants. Il a écrit, après ce suicide, il a écrit un texte. Donc le suicide, c'était le 2 février. 2 mois après, il écrit un texte qui s'appelle Le temps et le respect. Et dans ce texte, notamment, il critique les gens qui critiquent les tôles pour enfants. Il dit que, en fait, ces personnes-là qui critiquent, elles sont pleines de certitudes et de jugements péremptoires, hein, et qu'elles savent tout sur tout. Et du coup, il dit que ces personnes, elles n'ont que des principes. Par exemple, comme principe, pas de détention pour les mineurs. Donc, Claude, pour ta gouverne, il y a plein de gens qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir d'enfants en prison et que c'est complètement aberrant, une société qui met des enfants en prison. Voilà, et après, bon, il explique, voilà, que les établissements pénitentiaires ne sont ni de droite ni de gauche, qu'ils n'ont pas de précédent, mais à l'époque c'était tout neuf, hein, comme dispositif, qu'ils sont le fruit de l'expérience et du pragmatisme. C'est vrai que d'enfermer des gens, c'est très pragmatique. Et il dit que le projet, c'est de saisir l'occasion de la sanction pour redonner une identité aux mineurs. Donc oui, c'est vrai qu'une identité de tôlard, c'est super chouette, quand les mineurs n'ont plus que la délinquance pour identité. Et c'est vrai que c'est souvent que les gens, ils n'ont que la délinquance comme identité. Il dit que la question centrale de l'EPM, c'est celle de l'apprentissage et de la vie collective. Donc on veut bien qu'il nous explique comment on peut faire de la vie collective entre quatre murs avec des gens avec qui on n'a pas choisi de vivre, en fait. Il dit que le choix de l'EPM, donc, c'est celui de la vie collective et de la difficulté. Des unités de vie de 10 jeunes, avec près de 2 adultes pour un mineur. Ça, je ne sais pas où il a vu ça, mais ça ne doit pas vraiment être dans les EPM. Pour assurer une prise en charge en continu, 7 jours sur 7. Donc les 2 adultes pour un mineur, hein, c'est des matons, vous l'aurez compris, c'est pas des gens qui sont là pour t'écouter, te filer un coup de main, préparer ta sortie, et éventuellement, enfin, t'accompagner, etc. Sachant que à Nantes, plus de la, enfin, la grosse, grosse, grosse, grosse majorité des mineurs qui sont incarcérés, ils sont incarcérés, ils n'ont pas eu de jugement, en fait, ils sont incarcérés dans l'attente de leur jugement. Que sur plus de 60 détenus à Nantes, et ça c'est des propos de la directrice de l'EPM il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un ou deux détenus, un ou deux mineurs détenus qui sont détenus pour des crimes de l'ordre de l'agression sexuelle ou mais que les autres personnes ou de l'agression ou du vol avec violence, les autres personnes, elles sont détenues pour des faits mineurs. Mais qu'elles ont réitéré plusieurs fois. Donc pour des vols par exemple ou de la détention de stupéfiants. La détention de stupéfiants, c'est le motif pour lequel les mineurs se retrouvent le plus en EPM. Et on rappelle que plus, enfin, qu'une énorme partie en fait de ces mineurs n'ont pas encore été jugés et ils se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas respecté leur contrôle judiciaire. Tous ces chiffres-là, enfin c'est pas des chiffres, c'est de l'à peu près, mais tout ça se retrouve en fait, il y a des rapports tous les ans sur la détention en France, notamment la détention des mineurs, on peut les retrouver sur le site du ministère de la Justice, et moi je vous invite à aller voir parce que c'est assez aberrant en fait, c'est assez aberrant. Du coup, si je peux me permettre, enfin, le taux d'encadrement qu'ils annoncent de 2 adultes pour un mineur, même si c'est maton, moi j'aimerais bien qu'il y ait des taux d'encadrement annoncés et aussi bien respectés, je sais pas, dans les instituts où vivent des personnes polyhandicapées, par exemple, ou comment dire, ou dans d'autres établissements avec dans des foyers où il y a besoin d'accompagnement, dans je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait ce truc de un adulte pour un mineur dans plein d'autres situations en fait, plutôt que de former des gens à être des matons et à faire juste du répressif et dire que c'est du pseudo-éducatif tout pourri. Enfin, depuis quand c'est éducatif en fait, que ce soit Enfermer de des mettre gens, quelqu'un au ouais. coin avec un bonnet d'âne ou de les enfermer et sans leur expliquer quoi que ce soit. Enfin, peut-être un peu cliché à dire, mais le Portugal, en fait, ça fait une dizaine d'années qu'ils ont dépénalisé la consommation de drogue, de n'importe quelle drogue, et avec en parallèle des actions en fait de prévention, de consommation, de réduction des risques, mais aussi avec un système de santé un peu plus chouette et un peu plus accessible à un maximum de personnes. Bah finalement, la consommation de drogue, elle a diminué de plus de 60% depuis. Donc c'est bien la preuve que c'est quelque chose d'efficace. que dès qu'on arrête de criminaliser tel ou tel comportement qui est perçu comme antisocial, et qu'il y a un accompagnement et de considérer juste les gens comme des gens plutôt que comme des délinquants ou des criminels parce qu'ils ont fait ci ou ça et que c'est considéré comme un comportement déviant voire de la norme, bah les gens juste arrêtent de le faire en fait, et qui sont partis de ce principe-là, des gens qui consomment de la drogue, en fait, bah, ça peut peut-être être dangereux pour eux-mêmes, peut-être que leur consommation, ça peut les mettre en danger eux-mêmes, ce soit d'un point de vue psychique ou peut-être physique, mais que 95% du temps, en fait, c'est des gens qui ne mettaient pas en danger les autres parce qu'ils consommaient. Et du coup, il y a peut-être dans les représentations collectives et dans l'opinion publique, c'est vraiment cette fausse représentation que les gens qui consomment de la drogue sont des gens dangereux pour les autres, que je sais pas, qu'être consommateur de drogue, c'est une maladie contagieuse. Enfin, je dis ça pour caricaturer, mais des fois, dans la bouche de certaines personnes, c'est un petit peu ça. Ou que c'est comme le fait que la pauvreté, soi-disant, ça se transmet, que la violence, ça se transmet, enfin, que c'est contagieux, enfin, que c'est une maladie de pauvre, en fait. Ouais, c'est juste pour revenir vite fait sur le chiffre un petit peu hallucinant de 2 personnes pour 10 mineurs en prison. Bon, pour un. Enfin, je vois pas comment c'est possible de tenir ce chiffre-là, sachant que dans l'éducation... On est encore très loin de ça, c'est même pas envisagé d'arriver à ça dans l'éducation, mais par contre dans les prisons, visiblement, c'est l'objectif. C'est vraiment aberrant. Moi, quoi. Je trouve ça assez facile d'arriver à ce chiffre-là, parce que du coup, j'imagine, ils font les 3-8. Du coup, déjà, tu divises par 3 le chiffre. Il n'y a pas en permanence, 2 personnes, 2 adultes pour un mineur. Et après, bah, c'est sûr que si tu comptes les matons, les gens qui sont derrière les caméras à surveiller le personnel qui s'occupe de la bouffe, du ménage, les cadres qui restent toute la journée dans leur bureau. Tu comptes les enseignants qui sont pas, qui font pas partie de l'administration pénitentiaire, mais qui font partie de l'éducation nationale. Et tu peux facilement arriver à 2 personnes pour un mineur. Et moi, j'imagine assez bien que la plupart du personnel, en fait, c'est juste des matons qui font de la surveillance et qui font rien du tout d'éducatif. Si jamais on pouvait imaginer qu'il pouvait se passer des choses éducatives, enfin que ça pouvait être éducatif d'enfermer des gens. Et ouais, aussi, pour revenir sur le truc super violent, où il parle de se construire une identité à travers la sanction, enfin, c'est quand même super violent, quoi. Quand on sanctionne quelqu'un, est-ce que le but, c'est de lui donner une identité? Non, c'est... Enfin, après, il faut débattre de ce qu'est une sanction et de si... même si c'est pertinent ou pas de sanctionner. Mais est-ce que la prison, c'est une sanction ou est-ce que plutôt c'est une punition? Voilà, ouais. Pour moi, du coup, c'est une punition. Mais après, enfin bon, donner une identité à travers la sanction, en fait, c'est... Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est mettre des bonnets d'âne, enfin, c'est amener de la honte sur soi-même. C'est pas du tout une solution, monsieur, comment il s'appelle, Darcourt. Claude Darcourt. Et pour finir sur les propos de merde qui tient, il va dire que, il dit que, du coup, 2 adultes pour un mineur, blablabla, blablabla, blablabla, que il y a de la recherche de mixité dans les activités scolaires. Il parle pas de quel type de mixité. S'il s'agit de faire des activités scolaires avec des matons, certes, c'est mixte, mais c'est peut-être pas très intéressant. Dans les activités sportives et les animations aussi. Il parle des repas pris en commun, des jeunes avec des surveillants et des éducateurs. C'est vrai que ça, ça donne vraiment envie d'être volontaire pour aller à l'EPM, quoi. Il dit aussi que c'est difficile, alors justement, il dit que c'est difficile de définir ce qu'est une sanction éducative. On peut déjà lui dire qu'il s'est trompé, parce que peut-être qu'on est un peu péremptoire et qu'on juge assez rapidement, mais... On estime, en tout cas moi j'ai pas mal réfléchi à l'éducation dans ma vie et j'estime pas que ce soit éducatif ni que ce soit une sanction d'enfermer des gens. Il dit que c'est difficile de régler le mode de fonctionnement d'un établissement dans lequel chacun doit trouver ses marques alors que bah, du coup dans ce genre d'établissement chacun a bien sa place et puis si tu prends pas ta place... Voilà, c'est ça, t'es bien enfermé, t'es bien, et puis que si tu te mets pas à la place qu'on t'a donnée, ben tu manges encore de la punition, parce que l'isolement, ça existe, en fait, dans les établissements, dans les tôles pour mineurs. Mais du coup, rien qu'en étant à l'école, enfin, ça m'aurait horrifié de bouffer avec mes profs, ou même avec certains pions, mais alors manger dans des repas pris en commun avec des matons, mais au secours, en fait. Et que, ouais, au final, être détenu, en fait, peu importe l'âge, il y a ce truc de, oui, donner une identité. Mais en fait, c'est déjà le cas, parce que c'est un truc subi, parce que avoir été en prison, bah, c'est un marqueur social en fait, c'est aussi un marqueur qui fait que c'est super dur pour toi, j'imagine, de retrouver du boulot par la suite, si jamais t'as envie de t'insérer dans une vie sociale un peu plus normée, quoi. Et que quand t'es en prison, bah, ton entourage le sait, il peut ne pas te soutenir, t'exclure, tu peux avoir du... Enfin, c'est un truc qui te marque en fait à tous les niveaux et toutes les étapes de ta vie sociale et ta vie tout court. Après, en plus de combien ça doit marquer psychologiquement et physiquement, bah au final, il n'y a peut-être pas grand-chose qui a changé depuis plus que les gens étaient bagnards et que c'était marqué sur leur papier, quoi, au niveau du marqueur social que ça implique. Et juste pour finir sur ce qu'il raconte, du coup, ce futur préfet, il parle de le PM comme un enjeu, une ambition, l'ambition du Parlement en 2002, l'ambition de la garde des Sceaux, de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est vrai que ça protège d'être enfermé, des services publics, blablabla. Et il va même jusqu'à dire... Et pourquoi ne pas dire notre admiration pour ceux qui agissent dans les EPM, qui s'interrogent, qui doutent, mais qui avancent quand d'autres glossent? Pourquoi ne pas dire aussi notre respect et notre exigence? Donc je vous rappelle que le texte s'appelait Le temps et le respect, et que quand ce gros connard de Claude Darcourt parle de respect, en fait, il parlait pas de respect pour ce jeune dont on parlait au début, qui s'est suicidé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, dans une tôle pour enfants. Non, il parle de respect pour tous ces gens qui interviennent dans ces tôles pour mineurs. Du coup, voilà, c'est ce genre de personnage qu'on va avoir à la préfecture. Et je voulais juste terminer sur l'extrait d'une lettre ouverte, enfin d'une lettre, elle est pas ouverte, d'une lettre. Ça s'appelle la lettre de Catherine à Monsieur Claude Darcourt. Et Catherine, c'était la maman de Cyril Kider et de Christophe Kider. Pour celles et ceux qui savent pas qui c'est, Kider, ça s'écrit K. Hider, Christophe, de mémoire, c'est un braqueur. Cyril, c'est son frère. C'est son frère qui l'a aidé à s'évader de tôle. Christophe, si je sais plus là où il en est, mais en tout cas, le projet de la justice, c'était qu'il passe sa vie en prison. Et du coup, le projet de sa famille, c'était de l'aider à pas rester en prison parce que c'était compliqué pour lui, mais comme c'est compliqué pour tout le monde, de passer sa vie en prison. Voilà. Et elle explique du coup, et elle explique Catherine que en fait, elle s'est retrouvée dans un colloque qui s'appelait Psychiatrie et prison. Et où elle sait où il y avait plein d'intervenants, il y avait l'administration pénitentiaire, donc Claude Darcourt, d'autres gens de la paix et des représentants des représentants du cabinet de l'administration pénitentiaire. Il y avait aussi Badinter, ancien ministre de la Justice, plein d'invités et tout ça. Et des psychiatres et des psychologues qui intervenaient en tôle. Elle a posé des questions aux psychiatres qui intervenaient en tôle. Et je vais vous lire un extrait de cette lettre. Du coup, elle dit: « À l'époque, j'avais été surprise de votre réaction à l'issue de ma prise de parole, alors que le micro m'avait été tendu pour répondre aux psychiatres qui présentaient leurs arguments à la salle. Je leur avais demandé ce qu'ils comptaient faire pour être entendus par l'administration pénitentiaire lorsqu'ils établissaient des certificats médicaux intramuros, autrement dit dans le cadre d'un label, servant à maintenir en apnée dans la baignoire carcérale des personnes détenues, comme dans le cas de la rétention de sûreté, par exemple. J'avais continué à interroger les psychiatres, en me servant de l'exemple de mon fils, Cyril, au sujet duquel je vous interpelle à nouveau aujourd'hui, par le biais de ce courrier. Je leur avais expliqué que deux certificats médicaux avaient été établis par des médecins de la prison de la Santé, afin de dénoncer les effets délétères de l'isolement de son état physique sur son état physique. Après 5 longues années de cette mesure inique qu'il subissait arbitrairement. Je rappelle ici très rapidement que l'administration dont vous avez la charge a été condamnée pour allégations mensongères à l'issue d'un long combat contre cette mesure injustifiée et inacceptable que je tentais de dénoncer lors de ce colloque, comme je le faisais à chaque fois. Malheureusement, rien n'a jamais changé au fil des colloques, sauf les ministres. devant 600 personnes, vous êtes intervenu intempestivement, me coupant pratiquement la parole, pour présenter à la salle vos arguments fallacieux, lesquels laissaient sous-entendre la normalité de cette mesure compte tenu de la supposée dangerosité de Cyril. Dans votre bouche de responsable institutionnel, en un clin d'œil, Cyril passait de présumé innocent à forcément coupable. Vos paroles illicites à son encontre et leur logique totalitaire ne m'avaient pas échappé à l'époque. J'avais presque oublié l'incident, lorsque quelques jours plus tard, mon fils m'explique, à l'occasion d'un parloir, que les psychiatres que j'avais interpellés à ce fameux colloque étaient venus le voir à la prison de la santé pour lui parler de mon intervention et lui poser quelques questions sur lui et moi. Et voilà, je vous laisse lire la suite. C'est sur le site Fraternité à Perpète, c'est tout attaché, fraternitéaperpète.skyrock.com. Et oui, il y a encore des Skyrock blogs. Et du coup, ça s'appelle Fraternité à Perpète parce qu'il y a un bouquin, en fait, qui s'appelle Fraternité à Perpète et qui raconte cette histoire, en fait, l'histoire de Christophe Kidder et de sa famille et de ce combat pour que la tôle, ce soit pas un cercueil, que ce soit pas un endroit où t'attends de crever. Voilà, et notamment, c'est notamment la question des longues peines et de l'abolition de la peine de mort et des gens qui restent en prison. Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire qu'il faut rétablir la peine de mort, mais que la peine de mort, elle a été abolie, mais il y a des gens qui restent en prison toute leur vie, en fait, et qui finalement se sentent en prison comme dans des cercueils et comme s'ils étaient morts. Voilà, je vous invite à lire le bouquin Fraternité à Perpète, à consulter le blog fraternitéaperpète.skyrock.com, à aller sur le site de l'Envolée. Et voilà, ce petit bout sur la tôle, le PM, tout ça, c'était pour faire la présentation, donc, je le rappelle, du nouveau préfet de région et de Loire-Atlantique, Claude Darcourt. Claude, on ne souhaite pas la bienvenue. Et voilà, est-ce qu'on met un petit peu de musique pour clôturer? Tu voulais dire un petit truc, Nin? Ouais, bah Claude, t'es pas le bienvenu et Nicole, tu nous manqueras pas non plus. Non, c'est clair. Voilà. Belle rime. Idée de tag, pouvez aller taguer et voilà, je le mets en sous licence libre. Vous pouvez réutiliser, c'est cool. Un peu de musique et du coup, une chanson de Regina Spektor, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est le générique de la série Orange is the New Black. Ouais, c'est You've Got Time de Regina Spektor. La seule chose qu'il mérite, c'est d'aller à Cayenne. Radio Cayenne. We'll be right back. Yeah!